Elle chante bien les sticots. Il y a un micro là, tu veux parler. Eh, tu veux chanter, il y a un gros micro là. C'est pas bon, c'est bien moi. Il est là.